Maudit que j'ai venu de taper. Fait que ça marche, l'affaire de l'âme? Es-tu satisfait? Hein? T'en veux encore un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est qui est pas... Qu'est-ce que c'est qui est pas... C'est parce que dans la cassette du mot 13, ouais. Tu parles sur un côté, tu le rapport entre l'ego, ouais. De l'autre côté, c'est la volonté de l'âme. Oui. Dans tes propos, tu parlais des lois de l'âme. Quand je parle de la volonté de l'âme, là, je parle de la volonté cosmique qui passe à travers l'âme. À travers l'ego. Non, mais c'est parce que ça fait un certain moment que tu parles des lois de l'âme, mais sans en parler. Ouais. Ok. Je m'en vais en énumérer des lois de l'âme. Il y en a 15. Je vais marquer parce que je vais peut-être en parler un jour. La première loi de l'âme, c'est celle-ci. On va changer ma vibration. Là. Ceux qui ont des écrans mentaux, des télévisions, là, si vous fermez vos yeux là, pour vous regarder ce que je dis, vous allez comprendre plus. Servez-vous de grand mental. Treshinek Dayan. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi. Profte. Meka. Pushtuni Traku. La troisième loi. Vietni. Vietni. La quatrième loi. Si bayage capo, protier, viaclo, crini. La cinquième loi, vicam, postere, trapuri, eneco, i, Vayakum. La sixième loi. Tukole. Tratinek. Majorka. Poshka. Poshka. I. Poshka. La septième loi. Tramdie. Grot i poštrie. Dankuni. Vayam. Sirika. La huitième loi. Tankelu. La neuvième. Sikam orka. Trakune, Pejak, I, Dretine, Parakiam, Orek, Orek.